J'en ai ras le cul de la politique, de l'État, de la tête de l'État. Ça devient carrément pathétique. Moi, je vais faire la grève sur le tas. Faut pas me baver sur les rouleaux, je les connais tous. Les marchands de Zef, les fesses Mathieu, les narvalos qui viennent pour chourave le bénef. Ces seigneurs de la manigance, ils sont jamais à court d'idées. Et que je bidouille dans la finance, et que je bouine la fiscalité. La gueule de Fauder chansotoire. L'air faux-cul comme Légion d'honneur. Tous ces vérolés du pouvoir, on dirait le palais des horreurs. Ces gonzes, la main sur le cœur, qui dégoisent à la terre entière, qui se dépouillent pour notre bonheur. Ça commence à me gonfler sévère. Sourire de fiotte pour la photo, ils inaugurent les chrysanthèmes, serrent des louches à tire-larigot, et en plus, faudrait qu'on les aime. La grande partout, famille, patrie, c'est toujours le même fond de commerce. La morale, toute la panoplie, ça fait un moment qu'on nous berce. Et vas-y que je te mérite, travaille, ils nous prennent vraiment pour des caves. Et les arpions en éventail, ils veulent nous faire croire qu'ils en bavent. Oh, les fumiers. Ils sont balèzes, ces grands modèles de vertu. Et faut les voir ramener leurs fraises avec 10 000 casseroles au cul. Pas vu, pas pris. Vas-y, je t'embrouille. Faut arrêter de se berlurer. Ça joue des coudes et ça se papouille. C'est pire que la cour de récré. Ils ont beau péter dans la soie, ils se tirent la bourre. Pas de cadeau. Ils sont à cran. Et croyez-moi, quand ça flingue, c'est pas du pipeau. Avec eux, tous les coups sont bons. Et c'est sûrement pas un hasard si celui qu'attrape le pompon, forcément, c'est le plus vicelard. Et là, il y a Rasbitume. Il se croit sorti de la cuisse à Jupiter. Il arrive à être à la fois roi et bouffon. Bravo, super. Admirez le prince de la pignole. Sapez chez Hermès et chez Dior. Les pommatures, le mariole. Mais pour la tchatche, c'est un cadeau. Ah ouais. Ah, c'est pas petit Pierre ou petit Paul. Ils ont de la particule, eux autres. Et ça se pavane dans les people. Et ça se paluche à bord des yachts. Eh ouais, délinquant en col blanc. Réseau, jet set, carnet d'adresse. C'est un job, un taf à plein temps. C'est du sérieux, du vrai business. Les caïds à la petite semaine qui se font serrer dans leur quartier. Il faut qu'ils en prennent de la graine. Ouais. Truandés, c'est un vrai métier. L'ennemi public numéro un qui nous nique dans les grandes largeurs. Il a su se donner les moyens. Eh ouais, c'est pas un enfant de cœur. La terre t'accueille. L'égalité. La déclaration des droits de l'homme. C'était Choucard. Il y avait de l'idée. Mais là, on brade et on dégomme. Là, on est revenu à Versailles. Et peut-être même à l'Antiquité. Ah oui. Ils peuvent compter sur la flicaille, les compagnies de sécurité, ces fils de prolos, ouais, ces jaunes, qui viennent bouffer à la gamelle et fonctionnent avec deux neurones. Sous la visière, la vie est belle. Et les médias? Ils font de la lèche. Se partagent les petits fours en loose dé, c'est bonnard. Ils sont tous de mèche pour mieux nous en papaouter. Y a l'ensuqué dans sa lucarne qui nous blablate son boniment. Y a les sénateurs, ces vieilles carnes avec un os entre les dents. Ils sont là quasi grabataires à nous gonfler jusqu'au tombeau et pas pressés de lâcher l'affaire. Ah, y a des résistants, chapeau! Et il y a toujours un train de couillon, la langue tirée comme un clébard qui vient tortiller du croupion pour quelques miettes. Oh. 3 grains de caviar. J'oublie rien? CAC 40, MEDEF, couillon en or et cœur en béton, des bras cassés, des mafieux. Bref, ces têtes de nœuds me pèlent le jonc. Des lits d'initiés, tout le bastringue, immobilier, bourrage des urnes. Ah, c'est le grand bal des baltringues, ça fout la gerbe, ça casse les burnes. Tous ces empaffés puissance 10, tous ces susboules Neuilly plaisance, politicards de père en fils et qui nous pourrissent l'existence, je les entends dire démocratie. Démocratie, c'est pire qu'un gros mot dans leur bec. Mais je suis poigné de la dernière pluie. Ça va saigner. Je défends mon steak. Mais on va pas causer des plombes? Non. Y a mieux à faire. Ouais. Quelques bof. Commencer à creuser leur tombe. Puis réfléchir à l'épitaphe. Vite fait, défriser quelques têtes. Ratiboiser un brin d'insectes. Les bichonner. Leur faire leur fête. Parce que là, ça pue. Ça infecte. Ouais, là, y'en a. Ras la casquette. Ça nous débecte. Ras la casquette.